Section 13 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Jean-Pierre, Paris, 22 mars 2022. La lecture, tome 3e, section 13. L'abbé Constantin par Ludovic Halévy de l'Académie française, chapitre 4. Le lendemain, à 5h30, on sonnait le bout de selle dans la cour du quartier. Jean montait à cheval et prenait le commandement de sa section. À la fin du mois de mai, toutes les recrues de l'armée sont instruites et capables de participer aux évolutions d'ensemble. On exécute presque tous les jours au polygone des manœuvres de batterie attelée. Jean aimait son métier. Il avait coutume de surveiller avec beaucoup de soin l'attelage et le harnachement des chevaux, l'équipement et l'allure de ses hommes. Mais il ne donna ce matin-là que peu d'attention à tous les petits détails du service. Un problème l'agitait, le tourmentait, le laissait indécis, et ce problème était de ceux dont la solution ne se donne pas à l'école polytechnique. Jean ne pouvait trouver de réponse précise à cette question. Laquelle des deux est la plus jolie? Au polygone, pendant la première partie de la manœuvre, chaque batterie travaille pour son compte, sous les ordres du capitaine. Mais souvent, il cède la place à l'un de ses lieutenants pour l'habituer à la direction des six pièces. Ce jour-là, précisément, dès le début de la manœuvre, le commandement fut mis entre les mains de Jean. À la grande surprise du capitaine qui tenait son lieutenant en premier pour un officier très capable et très habile, les choses allèrent tout de travers. Jean indiqua deux ou trois faux mouvements. Il ne sut ni maintenir ni rectifier les distances. Les attelages, à plusieurs reprises, se trouvèrent en contact. Le capitaine dut intervenir. Il adressa à Jean une petite réprimande qui se termina par ces mots. « Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que vous avez ce matin? C'est la première fois que cela vous arrive. » C'est que c'était aussi la première fois que Jean, dans le polygone de Souvigny, voyait autre chose que des canons et des caissons, autre chose que des servants et des conducteurs. Dans les flots de poussière soulevés par les roues des voitures et les pieds des chevaux, Jean apercevait, non pas la deuxième batterie montée du 9e d'artillerie, mais l'image distincte des deux Américaines aux yeux noirs sous des cheveux d'or. Et au moment où il recevait respectueusement la légitime semonce de son capitaine, Jean était en train de se dire « La plus jolie, c'est Madame Scott. La manœuvre est, tous les matins, coupée en deux par un petit repos d'une dizaine de minutes. Les officiers se rassemblent et causent. Jean se tint à l'écart, seul avec ses souvenirs de la veille. Sa pensée, obstinément, le ramenait vers le presbytère de Longueval. Oui, la plus charmante des deux, c'était Madame Scott. Miss Percival n'était qu'une enfant. Il revoyait Madame Scott à la petite table du curé. Il entendait ce récit fait avec une telle franchise, une telle liberté. L'harmonie un peu étrange de cette voix très particulière, très pénétrante, enchantait encore son oreille. Il se retrouvait dans l'église. Elle était là, devant lui, inclinée sur son prie-dieu, sa jolie tête enfermée dans ses deux petites mains. Puis l'orgue se mettait à chanter, et dans l'ombre, au loin, vaguement, Jean apercevait l'élégante et fine silhouette de Bettina. Une enfant, n'était-ce qu'une enfant? Les trompettes sonnèrent. La manœuvre recommença. Cette fois, par bonheur, plus de commandement, plus de responsabilité. Les quatre batteries exécutaient des évolutions d'ensemble. On voyait tournoyer en tous sens cette masse énorme d'hommes, de chevaux et de voitures, tantôt déployés en une longue ligne de bataille, tantôt resserrés en un groupe compact. Tout s'arrêtait en même temps, d'un seul coup, sur toute l'étendue du polygone. Les servants sautaient à bas de leurs chevaux, couraient à la pièce, la décrochaient de son avant-train qui s'éloignait au trot et la disposaient à faire feu avec une rapidité surprenante. Puis, les attelages revenaient, les servants raccrochaient les pièces, se remettaient vivement en selle et le régiment se lançait à grande allure à travers le champ de manœuvre. Bettina, tout doucement, dans la pensée de Jean, reprenait l'avantage sur Madame Scott. Elle lui apparaissait souriante et rougissante dans les flots ensoleillés de ses cheveux épars. Monsieur Jean, elle l'avait appelé Monsieur Jean, et jamais son petit nom ne lui avait paru si joli. Et les dernières poignées de main au départ, avant de monter en voiture. Miss Percival avait serré un peu plus fort que Madame Scott, un peu plus fort, positivement. Elle avait ôté ses gants pour jouer de l'orgue, et Jean sentait encore l'étreinte de cette petite main nue qui était venue se blottir, fraîche et souple, dans sa grosse vilaine patte d'artilleur. « Je me trompais tout à l'heure, se disait Jean. La plus jolie, c'est Miss Percival. » La manœuvre était finie. Les batteries se placèrent les unes derrière les autres, à intervalles serrés. Les pièces parfaitement alignées, et le défilé eut lieu au grand trot, avec un vacarme effroyable dans un ouragan de poussière. Lorsque Jean, le sabre au poing, passa devant le colonel, les deux images des deux sœurs se confondaient et s'enchevêtraient si bien dans ses souvenirs qu'elles entraient et disparaissaient en quelque sorte l'une dans l'autre, devenaient une seule et même personne. Tout parallèle devenait impossible grâce à cette singulière confusion des deux termes de la comparaison. Madame Scott et Miss Percival restèrent, de la sorte, inséparables dans la pensée de Jean, jusqu'au jour où il devait lui être donné de les revoir. L'impression de cette brusque rencontre ne s'effaça pas. Elle persista, très vive et très douce, à tel point que Jean se sentait agité, inquiet. « Aurais-je fait, se disait-il, la bêtise de devenir ainsi amoureux, follement, à première vue ? Mais non, on devient amoureux d'une femme et non pas de deux femmes à la fois. » Cela le rassurait. Il était très jeune, ce grand garçon de 24 ans. Jamais l'amour n'était entré pleinement, franchement, ouvertement dans son cœur. L'amour, il ne le connaissait guère que par les romans, et il avait lu très peu de romans. Ce n'était pas un ange, cependant. Il trouvait de la grâce et de la gentillesse aux grisettes de Souvigny lorsqu'elles lui permettaient de leur dire qu'elles étaient charmantes. Il le leur disait volontiers. Mais quant à voir de l'amour dans des fantaisies qui ne mettaient en son cœur que de très légères et de très superficielles agitations, jamais il ne s'en était avisé. Paul de Lavardan avait, lui, de merveilleuses facultés d'enthousiasme et d'idéalisation. Son cœur logeait toujours trois ou quatre grandes passions qui vivaient là, fraternellement, en bon accord. Paul avait le talent de trouver dans cette petite ville de 15 000 âmes quantité de jolies filles, toutes faites pour être adorées. Il croyait perpétuellement découvrir l'Amérique quand il ne faisait que la retrouver. Le monde, Jean l'avait à peine entrevu. Il s'était laissé conduire une dizaine de fois peut-être par Paul à des soirées, à des bals, dans des châteaux des environs. Il en avait rapporté une impression de gêne, de malaise et d'ennui. Il en avait conclu que ces plaisirs-là n'étaient pas faits pour lui. Il avait des goûts sérieux et simples. Il aimait la solitude, le travail, les longues promenades, les grands espaces, les chevaux et les livres. Il était un peu sauvage, un peu paysan. Il adorait son village et tous les vieux témoins de son enfance qui lui parlaient d'autrefois. Un quadrille dans un salon lui causait une peur insurmontable. Mais tous les ans, à la fête patronale de Longueval, il dansait de bon cœur avec les fillettes et les fermières du pays. S'il avait vu Madame Scott et Miss Percival, chez elle, à Paris, dans toutes les splendeurs de leur luxe, dans tout l'éclat de leur élégance, il les aurait regardées de loin avec curiosité, comme de ravissants objets d'art. Puis, il serait rentré chez lui et aurait sans nul doute dormi comme à l'ordinaire, le plus paisiblement du monde. Oui, mais ce n'était pas ainsi que les choses s'étaient passées, et de là son étonnement, de là son trouble. Ces deux femmes, par le plus grand des hasards, s'étaient montrées à lui dans un milieu qui lui était familier et qui leur avait été par cela même singulièrement favorable. Simple, bonne, franche, cordiale, voilà ce qu'elles avaient été dès le premier jour. Et par-dessus le marché, délicieusement jolie, ce qui ne gâte jamais rien. Jean s'était senti tout de suite sous le charme, il y était encore. Au moment où il descendait de cheval, à 9 heures, dans la cour du quartier, l'abbé Constantin entrait joyeusement en campagne. La tête du vieux prêtre, depuis la veille, était en feu. Jean n'avait pas beaucoup dormi, et lui, le pauvre curé, il n'avait pas dormi du tout. De grand matin, il s'était levé, et, toute porte close, seul avec Pauline, il avait compté et recompté son argent, étalant sur la table ses 100 louis, et, comme un avare, prenant plaisir à les manier. À lui tout cela, à lui, c'est-à-dire au pauvre. « N'allez pas trop vite, monsieur le curé, disait Pauline, soyez économe, je crois qu'en distribuant aujourd'hui 100 francs, ce n'est pas assez, Pauline, ce n'est pas assez. Je n'aurais eu qu'une journée comme celle-là dans ma vie, mais je l'aurais eue. Savez-vous combien je vais donner, Pauline ? Combien, monsieur le curé ? 1 000 francs. 1 000 francs ? Oui, nous sommes millionnaires maintenant. Nous avons à nous tous les trésors de l'Amérique et je ferai des économies. Pas aujourd'hui, en tout cas. Je n'en ai pas le droit. » Sa messe dite, à 9 heures, il partit, et ce fut une pluie d'or sur sa route. Ils eurent tous leur part, et les pauvres avouant leur misère, et ceux qui la cachaient. Chaque aumône était accompagné du même petit discours. « Cela vient des nouveaux maîtres de Longueval, 2 américaines, Madame Scott et Miss Percival. Retenez bien leur nom et priez pour elles ce soir. » Puis il se sauvait, sans attendre les remerciements, à travers les champs, à travers les bois, de hameau en hameau, de chaumière en chaumière. Il allait, il allait, il allait. Une sorte de griserie lui montait au cerveau. Partout sur son passage, c'étaient des cris de joie et d'étonnement. Tous ces louis d'or tombaient, comme par miracle, dans ses pauvres mains habituées à recevoir de petites pièces de monnaie blanche. Le curé fit même des folies, des vraies folies. Il était lancé, il ne se connaissait plus. Il donnait à ceux-là même qui ne demandaient pas. Il rencontra Claude Rigal, un ancien sergent, qui avait laissé un de ses bras à Sébastopol, déjà tout grisonnant, tout blanchissant, car le temps passe et les soldats de Crimée bientôt seront des vieillards. « Tenez, dit le curé, voilà 20 francs. »« 20 francs ? Mais je ne demande rien, je n'ai besoin de rien, j'ai ma pension. » « Sa pension, 700 francs. »« Eh bien, répondit le curé, ce sera pour vous acheter des cigares. Mais écoutez bien, cela vient d'Amérique. » Il recommençait sa petite tirade sur les nouveaux maîtres de Longueval. Il entra chez une brave femme dont le fils, le mois précédent, était parti pour la Tunisie. « Eh bien, votre fils, comment va-t-il ? » « Pas mal, monsieur le curé. J'ai reçu hier une lettre. Il se porte bien, il ne se plaint pas. Seulement, il dit qu'il n'y a pas de croumire. Pauvre garçon, j'ai fait des petites économies depuis un mois et je crois que je pourrai bientôt lui envoyer 10 francs. « Vous lui en enverrez 30. Prenez. »« 20 francs, monsieur le curé, vous me donnez 20 francs ?»« Oui, je vous les donne. Pour mon garçon, pour votre garçon. Seulement, écoutez bien, il faut que vous sachiez d'où ça vient. Vous aurez bien soin de le dire à votre fils quand vous lui écrirez. » Le curé, pour la 20e fois, répéta son petit panégyrique de Madame Scott et de Miss Percival. À 6 heures, il rentra chez lui, épuisé de fatigue, mais la joie dans l'âme. « J'ai tout donné !» s'écria-t-il, dès qu'il aperçut Pauline. « Tout donné, tout donné !» Il dîna et s'en alla, le soir, dire son office du mois de Marie. Mais au moment où il monta à l'hôtel, l'harmonium resta muet. Miss Percival n'était plus là. La petite organiste de la veille était, en ce même moment, fort perplexe. Sur les 2 divans de son cabinet de toilette, 2 robes s'étalaient à grands flots, une robe blanche et une robe bleue. Bettina se demandait laquelle de ces 2 robes elle allait mettre pour aller le soir à l'opéra. Elle les trouvait délicieuses toutes les 2, mais il fallait bien choisir. Elle ne pouvait en mettre qu'une. Après de longues hésitations, elle se décida pour la robe blanche. À 9h30, les deux sœurs montaient le grand escalier de l'opéra. Quand elles entrèrent dans leur loge, le rideau se levait sur le second tableau du deuxième acte d'Aïda, l'acte du ballet et de la marche. Deux jeunes gens, Roger de Puymartin et Louis de Martillet, se trouvaient assis au premier rang d'une baignoire de rez-de-chaussée. Ces demoiselles du corps de ballet n'étaient pas encore en scène et ces messieurs, désœuvrés, s'amusaient à regarder la salle. L'apparition de Miss Percival fit sur tous deux une très vive impression. « Ah ah !» dit Puymartin, « le voilà le petit lingot d'or !» Tous deux braquèrent leurs lorgnettes sur Bettina. « Il est éblouissant ce soir, le petit lingot d'or !» continua Martillet. « Regarde donc la ligne du cou, l'attache des bras, jeune fille encore et déjà femme. Oui, elle est ravissante et à son aise par-dessus le marché. 15 millions, il paraît. 15 millions à elle, bien à elle, et la mine d'argent marche toujours. Bérulle m'a dit 25 millions, et il est très au courant des choses d'Amérique, Bérulle. 25 millions, un joli banco pour Romanelli. Comment Romanelli ? Le bruit court qu'il l'épouse, que le mariage est décidé. Mariage décidé, soit, mais avec Montesson, pas avec Romanelli. Ah, enfin, voici le ballet. Ils cessèrent de causer. Le ballet dans Aïda ne dure que 5 minutes, et ils ne venaient tous les deux que pour ces 5 minutes-là. Il importait d'en jouir respectueusement, religieusement, car il y a cela de particulier chez nombre d'habitués de l'opéra, qu'ils bavardent comme des pies quand il conviendrait de se taire pour écouter, et qu'ils observent au contraire un admirable silence quand il serait permis de causer tout en regardant. Les trompettes héroïques d'Aïda avaient jeté leur dernière fanfare en l'honneur de Radamès. Devant les grands sphinx, sous le vert feuillage des palmiers, les danseuses s'avançaient étincelantes et prenaient possession de la scène. Madame Scott, avec beaucoup d'attention et de plaisir, suivait les évolutions du ballet. Mais Bettina, brusquement, était devenue songeuse en apercevant dans une loge, de l'autre côté de la salle, un grand jeune homme brun. Miss Percival se parlait à elle-même et se disait « Que faire? Que décider? Faut-il l'épouser, ce grand garçon qui est là en face et qui me lorgne? Car c'est moi qu'il regarde. Il va venir tout à l'heure pendant l'entracte et quand il entrera, je n'aurai qu'à lui dire « C'est fait, voici ma main, je serai votre femme et ce serait fait. Princesse, je serai princesse, princesse Romanelli, princesse Bettina. « Bettina Romanelli !» Cela s'arrange bien, cela sonne très gentiment à l'oreille. « Madame la princesse est servie, Madame la princesse montera-t-elle la cheval demain matin ? Cela m'amuserait-il d'être princesse ?» Oui et non. Parmi tous ces jeunes gens qui, depuis un an à Paris, courent après mon argent, ce prince Romanelli, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Il faudra bien que je me décide un de ces jours à me marier. Je crois qu'il m'aime. Oui, mais moi, est-ce que je l'aime? Non, je ne crois pas. Et j'aimerais tant aimer. Oh oui, j'aimerais tant. À l'heure précise où ces réflexions passaient par la jolie tête de Bettina, Jean, seul dans son cabinet de travail, assis devant son bureau avec un gros livre sous l'abat-jour de sa lampe, repassait, en prenant des notes, l'histoire des campagnes de Turenne. Il était chargé de faire un cours aux officiers du régiment, et prudemment, il préparait sa leçon du lendemain. Mais voilà que, tout à coup, au milieu de ses notes, Nordlingen, 1642, Les Dunes, 1658, Mühlhausen et Turckheim, 1674, 1675, voilà qu'il aperçut un croquis. Jean ne dessinait pas trop mal. Un portrait de femme était venu se placer de lui-même sous sa plume. Qu'est-ce qu'elle venait faire là, au milieu des victoires de Turenne, cette bonne petite femme? Et puis, laquelle était-ce? Madame Scott ou Miss Percival? Comment savoir? Elles se ressemblaient tant. Et Jean, péniblement, laborieusement, revenait à l'histoire des campagnes de Turenne. Au même moment encore, l'abbé Constantin, à genoux devant sa petite couchette de noyer, de toutes les forces de son âme, appelait les grâces du ciel sur les deux femmes qui lui avaient fait passé une si douce et une si heureuse journée. Il priait Dieu de bénir Madame Scott dans ses enfants et de donner à Miss Percival un mari selon son cœur. Fin de la section 13.